Bueno, Chile ha conocido, por lo menos aquí se conoce a través de las luchas estudiantes que hubo últimamente, pero estaría bien que vosotros presentarais vuestra actuación, ¿no?, en Chile. Bueno, mi nombre es Felipe, yo participo junto a Penélope y Jorge de una organización que se llama Productora de Comunicación Social, que es una organización anarquista de comunicación y propaganda, difusión de las ideas libertarias y prácticas antiautoritarias que se desarrollan tanto en Santiago como, y cuando es posible, en otras regiones de Chile. Donc, leur action se situe au niveau de la création d'une une entité qui s'appelle Productora de Comunicación Social. De Comunicación Social, et qui se situe à Santiago. Sí. Et actuais sobre toda la... Lo que hacemos principalmente es como tratar de ser una ventana para las experiencias y prácticas que se están desarrollando en Santiago y en otras ciudades que tengan afinidad con las ideas libertarias, anarquistas, movilizaciones sociales y en general del movimiento social. Vale. Alors, ce qu'ils essayent de faire, c'est justement d'être une fenêtre ouverte sur tous les mouvements sociaux qu'il y a au Chili, et non, bon, qui ont un caractère libertaire, anarchiste, et qui et aussi tous les mouvements sociaux quoi, en général. Et peut-être tu peux te présenter aussi, Penélope. A lo mejor te puedes presentar también. Hola, yo soy Penélope. Et tu participes donc à la même au même regroupement, au même groupe. Tu también participas en estas actividades en el grupo. Claro, también participo de la productora que hace 5 años que existimos en la región chilena y hacemos una video revista de que se llama Sinapsis, que es como una antología periódica en donde mostramos por distintas secciones las distintas luchas que se dan en la región chilena con las distintas temáticas que estén en ese momento desarrollándose. Vale. Alors, ça fait 5 ans donc la productrice, la maison productrice existe et ils font aussi une revue qui s'appelle Synapsis et qui reprend toutes ces luttes qui ont lieu dans tout autour de Santiago et autres quoi. Ben justement, on va parler des luttes. Ben commencer par celle qui est un peu connue quand même, qui est celle des étudiants au Chili et qui est liée, comme d'ailleurs on a reçu dans plein d'autres pays, la situation des étudiants par rapport aux études qui sont de plus en plus chères, peuvent plus poursuivre leurs études effectivement, à part ceux qui ont des sous. Donc, est-ce que tu peux nous parler très rapidement de la lutte et puis où ça en est aujourd'hui de la lutte des étudiants, sur toi, sur vous deux. Él plantea que a ver si podéis explicarnos un poco cómo va el tema de los estudiantes, puesto que es el tema más conocido aquí en Europa, de Chile, y si estáis también, bueno, relacionados con otros movimientos estudiantes y cómo va la cosa actualmente. Bueno, el año pasado en Chile fue bastante álgida la lucha, pero se acabó cuando terminó el periodo de educación con las vacaciones de verano en enero, febrero. Sin embargo, ahora se está retomando nuevamente las movilizaciones en Santiago, en este mismo periodo que se cumple más o menos un año desde los días en que hubo las manifestaciones más grandes y marchas de 300.000 estudiantes en el centro de Santiago. Ahora lo partimos. C'est que, oui, ce qu'il voulait, ce qu'elle raconte, c'est qu'en fait, actuellement, les luttes se sont un peu éteintes, pas éteintes, mais elles se sont descendues, surtout par les vacances au mois de janvier et février, et qu'en fait, bon, le moment fort était l'année dernière, et qu'actuellement, ils sont en train de reprendre cette activité, et qu'il faut tenir compte que l'année dernière, au cours des manifestations les plus importantes, il y eut environ 300 000 manifestants dans la rue, quoi. Lo que estamos viendo ahora en Chile es como es el momento más álgido de un proceso muy largo que no, comienza, qué sé yo, principalmente al menos como con los secundarios, por ejemplo, tuvo un momento muy fuerte. Hablo de los niños, de los jóvenes que están en el colegio, y no, porque el movimiento está en el colegio y en las universidades. Ambas tienen peticiones distintas, son realidades distintas. Pero sin embargo han logrado encontrar un espacio común donde han desarrollado ciertas demandas sociales, por así decirlo. ¿Cuándo empezó el movimiento en realidad? Es que no se podría decir una fecha exacta, pero sí podríamos hablar de ciertos hitos donde, por ejemplo, en el 2006, los estudiantes secundarios tuvieron una demostración de fuerza impresionante que se tomaron todos los colegios, muchos colegios de Chile. Algo sin antecedentes. Nunca había sucedido algo así. Voilà, c'est important de signaler en fait que la lutte, c'est une lutte qui est menée depuis longtemps. On assiste actuellement au plus haut sommet de la lutte, mais que cette lutte a commencé non seulement avec les étudiants, mais surtout avec les collégiens qui ont même sont arrivés à occuper des collèges entiers, et que ça a commencé à peu près en 2006, quoi. Donc on continue cette lutte qui est une lutte à longue haleine et on connaît actuellement le moment le plus fort. E incluso previo, porque desde el año 2001 también hubo unas grandes movilizaciones, sí. Y desde ahí se empiezan a organizar los estudiantes de manera asamblearia, que oui. Cambia completamente el tipo de organización, sí. Y le da más fuerza para después nuevamente el 2005, 2006 y después el 2011. Sí. Entre el 2000... Sí, espera. Si, ce qu'il voulait dire, c'est qu'en fait, si on resitue bien les choses, en fait, ça commence pas en 2006, mais déjà en 2001. Et ce qui était assez significatif, c'est qu'en fait, c'est un type de lutte assembléaire, ce qui ne s'est pas donné jusqu'alors. Et que, bon, actuellement, ça continue dans cette dynamique de lutte assembléaire. Si. Est-ce qu'elle peut préciser ce qu'elle entend par lutte assembléaire? Si même moi, je connais la réponse. Puedes explicar tú de qué se trata cuando hablas de lucha asamblearia, no sé, tú, si. Penélope o tú, Felipe, ¿no? Si. En el 2000-2001, dentro de los colegios se armó, se fundó, se podría decir, la ACES, una organización que Asamblea Coordinadora Estudiantes Secundarios, que fue una propuesta de organización donde estaba en contra de la existencia de los centros de alumnos, que es la típica y convencional forma de organización que es jerárquica, donde hay un presidente, donde hay un comité y donde es como muy... un proceso eleccionario. Pero es algo oficial esto, como algo... Sí, sí, o ¿cómo sea... ¿Cómo se llama esta...? ¿ACES? No, la otra. No, lo otro son... Centros de estudiantes. Centros de estudiantes. Ah, bueno, centros de estudiantes. Que hay en todos los colegios y... Universidades. Y que es institucionalizado por el Estado. Claro, sí, sí, sí, sí. Y por los colegios. No es que sea institucionalizado como que es una figura, una institución legal. Es la manera normal en que se organiza los representantes, los delegados de cada curso dentro de una estructura jerárquica. Y es lo que comienza a cambiar en 2001 cuando ya, en vez de elegir a un presidente, es una asamblea. D'accord. Alors, c'est ce qu'elle a dit, c'est qu'en fait, en 2000, ce qui casse tout, en fait, ce qui change tout, c'est que jusqu'à l'an 2000, eh bien, il y avait des centres, ce qu'on appelle des centres étudiants, où les étudiants sont organisés d'une façon hiérarchique, et qu'à partir du moment où eux commencent à s'organiser, ils créent une autre organisation qui s'appelle ACES, c'est-à-dire Association... Association ACES. De los Centros Estudiantes. Assemblée coordinatrice des étudiants de secondaire. Voilà. À partir de cette organisation est totalement opposée à l'autre, quoi, dans sa forme d'organisation et dans ses revendications, évidemment. Ese es uno de los precedentes, una de las cosas que creemos que influye también paralelo a muchas situaciones que van generándose al interior del movimiento, donde empieza a existir una crítica hacia las estructuras de donde se organiza la protesta. Ça, c'est un des précédents, je pense, où on commence à s'organiser de façon à critiquer une structure hiérarchique, quoi. Donc à l'intérieur des mêmes mouvements, du propre mouvement étudiant, quoi, et déjà collégien, puisque... Et oui, ce type de fonctionnement, en tout cas dans la deuxième structure que vous décrivez, un type effectivement plus horizontal, j'imagine, et donc les propositions anarchistes sont reprises par les gens, ou peut-être même sont prises naturellement. Et quelle est la place des anarchistes à travers vous ou d'autres, justement, dans le mouvement étudiant? Est-ce que c'est une place pour proposer des types de fonctionnement? Est-ce que c'est une présence forte? Comment ça se passe? Si, la pregunta que cuando... bueno, cuando decidís de organizar, cuando se deciden en los colegios de organizarse de esta forma, ¿hay una influencia anarquista o es simplemente que hubo una espontáneamente, la gente se organiza de esta manera y después a lo mejor tal vez los anarquistas influencian en esta forma de organización y se contesta entonces la estructura misma de la organización estudiantil o colegio? Yo, en mi último año de escuela, logré participar de la ACES y puedo decir que principalmente eran jóvenes, éramos jóvenes libertarios y anarquistas los que estábamos involucrados en esta formación de esta propuesta de organización. Y en ese sentido, yo pienso que las ideas anarquistas y libertarias tienen una clara influencia en el desarrollo de este tipo de formas de organización. Il pense que justement les anarchistes et libertaires ont contribué énormément à la formation de cette organisation horizontale et que ils ont énormément d'influence dans ce type d'organisation et dans le type de revendication qui a été fait. Pero no, mientras organizábamos, o sea, estos anarquistas que participábamos de la ACES, no estábamos levantando la bandera anarquista al interior de la organización, sino más bien las propuestas de organización. Voilà, c'est important de dire que, en fait, ce qui ne se réclamait pas de l'anarchie, mais en fait, ce qu'il faisait, c'est simplement donner des propositions qui étaient anarchistes à l'intérieur des assemblées, quoi. Que esto solamente pasa con los secundarios. En la universidad se mantiene la estructura jerárquica. Ce dont il parle, en fait, cette organisation, ce type de mouvement, ce qui a eu lieu, en fait, ça se situe au niveau des collèges. L'université n'est pas encore atteinte par ce phénomène. Je voudrais aborder d'autres sujets parce que au Chili il y a beaucoup de luttes dans pas mal de domaines. Alors je sais pas celui que vous voulez aborder. Moi j'aimerais bien savoir si vous avez des liens par exemple avec ceux qui luttent depuis plus de 500 ans, qui sont les Mapuche, qui mènent des luttes très fortes et qui sont soumis d'ailleurs à une répression qui continue quel que soit le régime en place. Donc si vous avez des contacts et si oui, comment se passent ces contacts? Quels sont les échos que vous avez de ces luttes? Dice que en Chile hay muchas luchas, ¿no?, que se están llevando a cabo. Y una de ellas es la que llevan desde hace 500 años los mapuches. Y quería saber si ustedes tienen relación con ellos y qué contacto tenéis y qué tipo de relaciones. Bueno, dentro de la videorevista siempre ha existido el interés de poder cubrir esta lucha, y en ese sentido le hemos dedicado una atención especial. Producto de eso, hemos podido establecer ciertas relaciones con mapuche, con personas mapuche que participan en la de los mapuches urbanos, por así decirlo. Como nosotros estamos en Santiago, la relación directa nos tenemos con estas organizaciones que son de mapuche urbano, que tiene lugar donde en Santiago son mapuches que viven en Santiago. Ajá. Y bueno, tendrán son mapuches urbanos, no están en la tierra de mapuche, no están en el Gualmapu. Pero también en diversas ocasiones hemos podido ir, yo no personalmente, pero sí otros compañeros de la organización han podido ir directamente a las comunidades a poder realizar los videos, y en ese sentido hay una buena relación. Alors, bon, lui dit que c'est un souci depuis qu'ils existent en tant que vidéo revue d'avoir un contact avec les mapuches. Et bon, c'est surtout le contact qu'ils ont, c'était les mapuches de la ville, c'est-à-dire ceux qui habitent à Santiago. Et aussi, ils ont eu l'occasion d'aller sur place et ils ont de très bonnes relations avec eux. Ça s'est toujours très bien passé. Si. Oui, effectivement, on a déjà eu l'occasion d'en parler. Par exemple, quand on a parlé du Mexique, il y avait plus que des contacts, puisqu'à l'intérieur de la Fédération anarchiste mexicaine, il y a un certain nombre de peuples indigènes qui sont d'Oaxaca ou autres. Et c'est pas étonnant que le fonctionnement horizontal de la tradition indienne soit assez proche des propositions anarchistes. C'est pour ça que c'est certainement très important que vous puissiez avoir des contacts directs avec eux. Ceci étant, les contacts que vous avez en ville sont aussi intéressants, je pense, parce que effectivement beaucoup d'Indiens viennent en ville. Habla de que en México, por ejemplo, los indígenas, ¿no?, están incluso pues organizados dentro de la Federación Anarquista y que, bueno, debido a su funcionamiento tradicional o de tipo horizontal, que no es extraño de que se dé esto y que es importante que también vosotros ahí no tengáis ese tipo de relación que os permita, que permita también a estas personas que sufren pues un tipo de colonización, un tipo de pues que tengan esa posibilidad también de organizarse con vosotros, ¿no? Que lo veo importante y que también sobre todo con relación a la gente que está en la ciudad, o sea, las mapuches que viven en la ciudad, piensa que es importante cómo, claro, cómo lo veis vosotros. La mayoría de las comunidades que están en resistencia están, no están en Santiago, sino en el sur de Chile. Y también son como han sido tan agredidos, son personas que desconfían mucho de todo lo que pueda venir de la parte más occidental o de nosotros mismos que somos chilenos. Entonces son bien cerrados, se podría decir, dentro de su lucha. Oui, la difficulté qu'il y a en fait avec les Mapuches, c'est que ce sont des gens qui ont souffert énormément et que bon, les communautés, en fait, les communautés Mapuches, elles se situent bien au sud du Chili, et donc la difficulté, c'est de les joindre parce qu'en fait, ils se ferment sur eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas vraiment confiance aux Chiliens, quoi, vraiment, tu vois. Donc. Pero sin embargo. Sin embargo, desde el principio de los 90, cuando empieza a resurgir el anarquismo en Chile, desde un principio empezó a desarrollar una afinidad, o sea, siempre vio de muy buena manera la resistencia mapuche. Y por eso, desde un comienzo, el anarquismo y los anarquistas han formado parte importante de las redes de apoyo en las protestas y en la resistencia que han desarrollado estos pueblos originarios. Oui, cependant, à partir des années 90, lorsque renaît le mouvement anarchiste au Chili, il y a eu très vite une compénétration, enfin, au niveau de l'entraide avec les Mapuches, et ils ont compris que c'était vraiment très important de les aider. On a eu aussi quelques échos, un peu moins forts peut-être, mais de luttes importantes en Patagonie. En particulier, j'ai vu des manifestations très, très grandes pour Aysén, avec envoyé des drapeaux noirs, etc. Donc, est-ce qu'ils peuvent parler de cette lutte, des raisons de cette lutte qui se mène déjà depuis un certain temps et qui, je pense, va continuer. Él pregunta si tenéis noticias, porque él ha sabido algo de que ha habido luchas en Patagonia, principalmente en Aysén, donde se han visto en las luchas banderas negras, y pregunta si podéis describir un poco con más detalles esto, lo que ha ocurrido ahí. A principios de este año, lo que pasa es que Aysén es una zona que está como bien apartada dentro de lo que es Chile. Está mucho más cercana a Argentina que al gobierno chileno, entonces es una zona que se encuentra como muy aislada en cuanto a servicios, los precios son muy caros porque la comida que venden allá tiene que viajar, entonces ellos pagan precios muy altos por estar aislados. Y en marzo, bueno, en febrero de este año comienzan grandes protestas en donde al final bloquearon la ciudad y el Estado mandó mucha represión policial. Llegaron, entonces, eso fue lo más... de lo que más se habló fue sobre la represión que recibió el Aysén y también la organización. ¿Pero que a qué se es dio, debido lo que, la protesta? Si la... Porque piden. Porque estaba en juego el aumento del impuesto al gas. Porque Aysén tiene ciertas, como por estar tan aislado, tienen una regalías, por así decirlo, del impuesto. Pagan menos y son como. Oui, mais ce qu'il racontait, donc Penelope, c'est qu'en fait, il faut tenir en compte que Aysén, c'est une ville qui se situe en Patagonie, et cette Patagonie est en fait relativement plus proche de l'Argentine que du Chili, et donc le fait que les prix sont très chers là-bas. Et en fait, il y a eu le prix du gaz qui a augmenté. C'est une zone où on produit du gaz. Et donc, les prix ont augmenté. Ce qui fait que, bon, il y a eu des protestations, étant donné que le niveau de vie était insupportable. Oui, oui. Se hace un consejo donde se elevan 11 peticiones al gobierno, entre ellos como bajar el impuesto al gas, educación también ahí de calidad, salud, porque no tenían un buen hospital, viviendas regionalizadas con una buena calefacción, porque en esa zona es muy fría, agreste, claro, vivir. También por el tema de la ley de pesca, en donde los pescadores artesanales reciben muy poco dinero por sus productos y que son exportados a alto precio al resto del mundo. ¿Se llama consejo la zona? ¿O como se armó como una asamblea donde estaban participando los distintos sectores movilizados dentro de Aysén? No. Tanto de la cuestión de trabajadores, los pesqueros, la gente de la ciudad. Entonces se armó ahí una asamblea donde estaban todos los grupos representados, y esta fue la asamblea que desarrolló como la representatividad de la lucha en Aysén. Pero no se llamaba asamblea, se llamaba consejo. Ah, c'est con, donc l'assemblée s'appelle consejo, c'est-à-dire conseil, et en fait c'est l'union de tous les secteurs de la population qui sont affectés par ces mesures. Et donc il y a eu, ce que racontait Penelope, c'est qu'il y a eu 11 pétitions, surtout bon qu'on descende le prix des impôts sur le gaz. Il y avait des pétitions sur les maisons d'habitation, bon, améliorer ces maisons d'habitation, aussi sur le chauffage. Je me rends compte que c'est une région qui est très froide, donc le chauffage est important pour ces gens. Et autant, il y en avait une autre aussi par rapport à la pêche, pour qu'ils puissent écouler plus facilement le produit de leur pêche et ça facilitait tout leur travail, quoi. Personnellement, pienso que es un tema bien complejo, porque la lucha del pueblo de Aysén es pedir ser insertados de mejor manera al Estado. Ah. Ellos nunca luchan por autonomía, por ejemplo. Ellos quieren mejores condiciones de vida, para, o sea, que quieren ser chilenos. Incluso, por ejemplo, habían carteles dentro de las protestas que decían: Argentina, adóptennos. Como... Non, en fait, oui, il faut tenir compte que bon, ces revendications, en fait, ce sont des revendications demandant non pas une autonomie, par exemple, mais demandant des améliorations pour leurs conditions de vie. Et ils sont même arrivés à sortir un panneau qui demandait à l'Argentine de les adopter, quoi. Oui, il faut dire qu'en plus, les frontières sont très proches dans cette zone. J'ai entendu dire aussi qu'il y avait c'est une région qui est magnifique, et une de ses richesses, c'est l'eau. Enfin, l'eau pure, l'eau. Et donc, il y a des projets. Enfin, j'ai entendu dire qu'il y avait des projets de grands barrages pour fournir de l'énergie à Santiago aux multinationales qui ont besoin d'énergie, et que c'est aussi vraiment un rejet très fort de l'ensemble de la population par rapport à ça qui a agi aussi dans les luttes. Donc, est-ce que c'est des choses que j'ai lues? Est-ce qu'ils confirment? Dice que, bueno, lo que ha visto él también, que había un proyecto, que es una zona muy hermosa, muy bonita, ¿no? Donde hay una biodiversidad muy grande, y que se están preparando para hacer retenciones para el agua, ¿no? Hidroeléctricas. Eso, hidroeléctrica. Y entonces, ¿qué va a pasar con esto? Es que hay movilizaciones contra este proyecto, porque en realidad es sobre todo para abastecer Santiago, ¿no? Con energía eléctrica, ¿o cómo? El año pasado, a la minería, principalmente. El año pasado, este proyecto actualmente se encuentra detenido porque no han logrado, porque una cosa es hacer las represas e inundar gran parte de la Patagonia. Bueno, no es gran parte, un sector, pero un sector importante. Y lo otro es construir las líneas de transmisión, porque para que lleguen a Santiago. Ahora, de toda la energía que se produce, la mayoría es para la industria o para la minería, que es la minería es la actividad que ocupa más energía eléctrica, porque los habitantes solo ocupan un reducido porcentaje de todo lo que se genera. Alors oui, bien sûr. Le problème, c'est que c'est un endroit qui est effectivement qui a une grande richesse écologique, on pourrait dire, non? Et que bon, l'entreprise, ça s'appelle Hydroaysén. En fait, c'est une entreprise à fort capital espagnol, et ils veulent construire 5 barrages qui inonderaient une grande partie de. C'est une partie importante de la Patagonie, c'est évidemment pas l'ensemble, mais le pire, c'est qu'en fait, il y a aussi le phénomène de conduction de l'énergie, c'est-à-dire qu'ils doivent faire des lignes d'haute tension, et ça aussi, ça pose un problème au niveau écologique, et que, en fait, c'est surtout pour l'industrie minière, cette énergie qui est destinée pour l'industrie minière, et non pas tellement pour les habitants, quoi. Ils en recevraient une partie infime. Enfin, je crois savoir qu'il y a pas mal d'organisations, de groupes anarchistes qui se créent au Chili. En tout cas, pour vous, quelle est on peut vous porter au-delà de l'information? Est-ce que vous envisagez, je sais pas, hein, par exemple, on a discuté avec des copains croates qui avaient en vue éventuellement une radio libre ou d'autres sortir un journal ou toute autre chose. Quels sont vos projets, disons, pour aider le développement des groupes anarchistes au Chili et dans ces projets, comment on peut vous aider? Je pense que Saint-Imier, d'ailleurs, a dû vous aider beaucoup par les contacts. Él piensa que como grupos anarquistas seguramente habrán bastante más en Chile, ¿no? Repartidos en tal vez, bueno, más allá de Santiago. Y lo que él quería saber es cómo pensáis en el porvenir vosotros en el tema del desarrollo. Por ejemplo, ha habido grupo croata que lo que querían hacer es una radio libre. Tal vez vosotros tengáis proyectos o cosas de este tipo o tipos de federación entre vosotros para organizar. ¿Cómo veis vosotros el futuro del anarquismo en Chile? A mí, como habíamos dicho antes, este anarquismo es muy joven, en ese sentido tiene una experiencia bastante acotada y por lo mismo hemos tenido un montón de, no sé, de problemas que no prácticos, sino más bien identitarios dentro de las organizaciones. Están todas las tendencias del anarquismo representadas dentro de Chile y en Santiago, o sea, insurreccionalismo, plataformismo, especifismo, otro tipo de anarquismo nuevo que van surgiendo, y en ese sentido no ha sido sencillo poder coordinar. Vale, vale. Luis, ce qu'il raconte, c'est qu'en fait, bon, l'anarchisme chilien est très jeune. Et que bon, ils ont pas trop, leur expérience est assez courte par rapport à tout ça. Donc, on retrouve au Chili toute tendance confondue de l'anarchisme, c'est-à-dire du christianisme, plateformisme, comme un saint-imier. Comme un saint-imier, comme saint-imier disait. Et que bon, en fait, c'est pas simple. La poursuite de l'évolution n'est pas si simple que ça. Mais bon, il s'y attelle. Yo pienso que va a llegar a algo. Pero, sin embargo, estas experiencias igual han ido madurando dentro de su corta vida y ahí podemos, no sé, encontrar radios comunitarias, proyectos de televisión comunitaria que están desarrollados por compañeros libertarios y anarquistas. Hay muchas bibliotecas a lo largo de Chile que son levantadas dentro de centros sociales autónomos, en las universidades también. O sea, yo creo que el futuro del anarquismo en Chile es bastante prometedor porque en este corto tiempo hemos logrado avanzar y madurar ciertas cosas, y no sé si lo que necesitemos es una federación. Creo que todavía es muy temprano para eso. Todavía hay que resolver muchas cosas prácticas, y en ese sentido me parece que yo lo veo personalmente positivo. Alors, il pense que, bon, actuellement, effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont en train de créer au Chili, par exemple, des radios communautaires. Il y a aussi des bibliothèques qui sont créées dans des centres sociaux, même dans la faculté. Et que, bon, en question d'organisation, bon, ils ne sont pas encore là au niveau de créer une fédération, mais que lui voit d'une façon assez positive et il a de l'espoir que ça surgisse un jour, qu'il y ait une possibilité d'évolution au niveau organisatif, quoi. C'est ce qui s'est passé au Mexique, où il y a eu des groupes et qui commencent à se fédérer maintenant depuis seulement un an. Ils ont attendu avoir suffisamment d'expérience pour se fédérer. Ils disent que c'est ce qui a occurri en Mexique, qu'au principe, c'était un groupe aussi qui a espéré un an, par exemple, pour commencer à se fédérer et organiser. Sí, hubo una experiencia, un intento de federación en el año 2001, si no me equivoco, 2001-2002, hubo un intento federativo que se desarrolló en Santiago y que habían delegados de algunas organizaciones de regiones, pero fue un fracaso total y de hecho ese evento, muchas personas tienen sí. una lectura. Dernière question rapide, est-ce que vous connaissez un livre qui s'appelle, enfin je pense qu'il a été sorti au Chili il y a un certain temps, Patagonie Libertaire, qui rappelle un fait historique qui s'est passé dans les années 1920, où il y a eu une lutte très forte d'ouvriers agricoles sous influence libertaire, qui a été réprimée très fortement. C'est relativement connu en France dans les milieux libertaires. Je ne sais pas s'ils en ont écho là-bas. Patagonie Libertaire, tu dois connaître. Oswaldo Bayer. Voilà. Pregunta si conocéis vosotros el libro que se llama Patagonia, no es Patagonia Libertaire, es Patagonia Rebelde. Ah, Libertaire, exacto. que se ha editado, bueno, en Argentina y en otros países, y que retrata, bueno, las luchas que tuvieron lugar en los años 20, ¿no? Los años 20 y en Patagonia, y que es bastante célebre porque ocurrió esto en el campo, ¿no? Sí. Por parte de los campesinos. Y eso. Sí, hay una película también. Sí, hay una película. Entonces, y la hemos podido ver y conozco personalmente a Oswaldo Bayer, tuve la oportunidad de conocerlo en Argentina. Y sí, ils connaissent très bien, puisqu'ils connaissent le film, mais ils connaissent aussi personnellement. Ah, bah, enfin, Felipe, il connaît personnellement. Il est né en France, il n'y a pas de problème. Attends, il y a Penelope qui veut dire quelque chose. Je voulais agregar una cosa con respecto a la organización entre distintas organizaciones anarquistas en Santiago, y es que este año igual hubo una experiencia positiva, porque a lo más, como no hay, estamos lejos de hacer una federación, hay ciertas como grupos que tienen mayor afinidad entre sí, por lo general del anarquismo más social, y este año se organizó entre las distintas tendencias igual la primera feria anarquista del libro y la propaganda, a la cual asistieron, los organizadores decían que por lo menos unas 1.200 personas, que duró 2 días y que ha sido la primera que se ha hecho en Santiago. Y que llegaron también gente de Santiago y de regiones, de otros lugares más apartados de y de Perú también. Bon, ben, en tout cas, elle pense que quand même cette fédération n'a pas été complètement inutile et nulle, puisque ça a permis au groupe qui avait des affinités de se regrouper quand même et d'organiser cette première foire du livre chilien qui a attiré les gens non seulement de Santiago, mais aussi des pays, des villes autour et même d'autres pays. D'autres pays qui étaient à côté, quoi. Comme le Pérou. Voilà. Merci beaucoup. Merci.